me rassure, rien d'autre. L'heure est magique, elle a comme un brin de folie qui nous emporte. Presque en cadence, nous marchons vers la musique. Comme avant l'amour, on ferait durer le plaisir. Mourir de plaisir. Avec toi je veux ce soir, rien qu'en dansant. Dans ce soleil, danser l'amour doudou, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Mais c'est tant mieux. C'est un peu comme au premier soir, mais c'est grisant. Nuit Caraïbe, nous voulons de ta musique. Elle te ressemble. Tu lui as donné ton cœur, chaleur. Musique élastique. Dans ce soleil, ou quand dans ce soleil.